si on veut voir la main de Dieu. Kutafuta shabaha fulani ni ya muhimu sana wakati unahitaji kuona mkono wa Mungu. Alléluia. Amen. Ce soir, jioni ya leo, Dieu est au rendez-vous encore. Iko mahali hapa tena. Et sa présence est là. Na uwepo wake uko. Vous savez, Dieu est omniprésent. Unajua Mungu iko mahali pote. Mais quand nous disons sa présence est là, lakini tunaposema uwepo wake uko, nous disons la présence manifeste de Dieu. Tunazungumzia uwepo unaojionyesha. La présence agissante. Uwepo unaotumika. Parce que Dieu est aussi avec les méchants. Sababu Mungu iko pamoja na waovu nao. Par son omniprésence. Kupitia kuwa kwake mahali pote. Parce qu'il est partout. Maana iko mahali pote. Et souvent, il est avec eux comme un Dieu de jugement. Mais quand nous lui plaisons, quand nous faisons sa volonté, nous avons raison de dire sa présence. Parce que c'est une présence active. Bwana sifiwe. Et il est écrit, il siège au milieu des louanges de son peuple. J'aimerais que tu loues le Seigneur pendant quelques minutes. Et puis on va rentrer dans la parole de Dieu. Utukufu ni wako, Bwana. Utukufu ni wako, Bwana. Utukufu, utukufu ni wako, Bwana, Bwana. Utukufu ni wako, Bwana. Wastahili, wastahili heshima, Bwana. Wastahili. Chose au Seigneur pendant une minute. Exprime ta gratitude à Dieu pendant une minute. Exprimons à Dieu notre gratitude. Seigneur, merci, nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous cette semaine. Depuis dimanche jusqu'à maintenant, tu nous as été favorable. Tu nous as montré ton amour et ta bonté. Tu nous as montré tes grâces infinies. Tu nous as montré tes grâces. Tu nous as montré tes grâces, Seigneur. Nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ton amour. Tu nous as fait du bien, Seigneur. À ton nom revient toute la gloire. Tu mérites que toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Béni soit ton nom, Seigneur. Que tu croisses et que je diminue. Mais que tu libères ton peuple afin qu'il te serve. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur tunashangilia Bwana avec des cris de joie pamoja na kelele za furaha quelques pousses des cris de joie alléluia amen allons un peu dans Exode chapitre 6 tuende ndani ya kitabu cha kutoka sura 6 Nous sommes en train de parler de être dégagé du sceptre de la méchanceté par sa grâce. Être dégagé du sceptre de la méchanceté par sa grâce. Nous avons commencé de parler des emprises sournoises. Et puis hier, nous avons entamé de parler des emprises ouvertes. Je vais faire un petit saut en arrière. Mes frères et mes sœurs, Dieu est en train de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. L'emprise sur une personne est fatigante. Pourquoi moralement, même quand on te regarde dans la société, on a l'impression que tu es fatigué? Parce qu'il y a une emprise sur toi. Malheureusement, une emprise que tu ne connais pas. Ou alors une emprise que tu connais. Dieu est venu durant ses grâces et son âme pour te dégager du sceptre de la méchanceté par sa grâce. C'est pourquoi nous sommes dans le programme des grâces insondables. Parce que par sa grâce, il nous donne le potentiel de nous dégager. Il nous donne le potentiel de participer à notre délivrance. Il nous donne le potentiel d'expérimenter les contenus de ses prévisions. Alléluia. Amina. Regardons ces textes ensemble. L'Éternel dit à Moïse, lisons ça ensemble. Vous êtes là? Allons-y. Verset 6:1 et suivant. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je vais faire à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Quand je lis cette portion-là, j'ai l'impression que Dieu est en train de dire, Hakiamou. Et si vous voyez ça, recommencez au début, vous allez voir que c'est ça. Allons-y à partir du premier verset. L'Éternel, allons-y 1, 2, 3. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je vais faire à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Attends, vous avez vu, non? Le verset 2. Et Dieu parla encore à Moïse et lui dit, après les répétitions, vous savez quand une personne répète une même phrase, et ce sont des décrets que Dieu est en train de proclamer. Ce sont des paroles fortes. En fait, Dieu est en train d'essayer de dire à Moïse, Moïse écoute, voici ce que je vais faire. Pharaon va laisser aller le peuple. Et puis Pharaon va même vous chasser. Pharaon tient à vous garder. Mais il va vous chasser. Et puis il dit au verset 2, il dit quoi? Anasema nini? Technique. Dieu parla encore à Moïse et lui dit deux points. Mungu akamwambia tena Musa akisema, je suis l'Éternel. Mimi ni uwe yawe. Haki ya Mungu. Kama vile analapa. Hallelujah. Amen. Pour quelqu'un ce soir, Dieu est en train de parler comme ça. En fait, je vous ai dit, Dieu n'a jamais été fier de voir le diable marcher sur vous. C'est une contradiction dans le cœur de Dieu de vous voir alors qu'il vous a promis de vous sauver, de vous libérer, de vous bénir, et que Dieu constate que ce n'est pas ce que vous vivez. C'est pourquoi il y a notion de grâce. Dieu est obligé d'apporter sa grâce dans l'affaire. Mungu anasurutisha kuleta neema yake ndani ya hii mambo. J'apporte ma grâce. Naleta neema yangu. Je veux te libérer. Nitakukomboa. Le pharaon va te laisser. Na farao atakuacha. Il t'a gardé pendant 430 ans. Amekuchunga muda wa miaka 430. Vous voyez, pour toi, unaona kwa ajili yako. Ce sceptre marche sur toi depuis 2 ans. Hiyo fimbo ya uovu inatembea juu yako. Pour certains, ça fait 5 ans, les autres 30 ans. Wengine miaka 13. Mais pour Israël, lakini kwa ajili ya Israeli, 430 ans. Ilikuwa miaka 430. C'est-à-dire 4 siècles plus 30. Ni kusema ilikuwa karne 4 kuongeza 4 siècles plus un tiers de siècle. Ni kusema ilikuwa karne 4 kuongeza karne moja wakigabua mara 3. Et donc Dieu est venu du ciel déterminé, décisif. Na ni kusema Mungu alitokea mbinguni akiwa na uamuzi ambao. Et Dieu n'est pas prêt. Na Mungu haiko tayari. À échouer. Kushindwa. Où Dieu n'est pas prêt à repartir et laisser Israël en Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas prêt à la fin de ce programme à te laisser dans la situation où il t'a trouvé. C'est pour cette situation qu'il est venu, qu'il a décrété les grâces de son âme. Il n'est pas prêt à te laisser dedans. C'est pourquoi il dit, je suis l'Éternel. Et si tu crois à cela, dis un bon amen. Tu es l'Éternel. Wewe ni Mungu, unaweza yote, hakuna Mungu kama wewe. Quelque part, Dieu dit, qui peut se prononcer comme moi? S'il est capable, qu'il se prononce. Connaissez-vous quelqu'un? Les sorciers se prononcent quelquefois, mais rapidement ils sont rattrapés par l'autorité de Dieu. Il est écrit, ils confondent les devins. Dieu confond les devins. Il y a un devin ici. Tu peux le témoigner. Combien de fois tu as été confondu lorsque tu as osé attaquer un enfant de Dieu. Plusieurs fois tu as souffert. J'ai pitié de toi. Parce qu'en fait, toi-même, tu es sous le sceptre de la méchanceté. Tu as intérêt de sortir dedans et d'abandonner cette affaire. Le diable, il est en train de te duper. Que des fois on attend ce genre de trucs. Kule kuzimu kulikuwa fete, tukakula. Tukakula nyama. Mimi ndio nilikuwa kukuzini, nilikuwa nachoma. Unachoma, tulikuwa nachoma batu. Kisha tukakula. Vous êtes dupés. Kisha bakaniomba na mimi nilete mwenye nilete mama yangu tumkule. Tu es dupé. Toi-même tu es sous le coup de la méchanceté. souffre en fait. D'ailleurs, tu souffres plus que nous autres. Parce que déjà, tu as déjà perdu ton père, tu l'as mangé. Nous, on n'a mangé personne. On n'est sauvé par grâce. Et puis bientôt, tu vas manger ta femme. Et puis ton premier-né, tu l'as mangé depuis longtemps. Mais tu souffres, non? Tu es malheureux même, tu es plus malheureux même. Et puis tu viens en public, tu dis c'est moi qui contrôle Goma. Tu n'as pas réussi à contrôler la vie de ton père pour que ton père subsiste. Il fallait protéger ton père. On t'a juste donné une injonction, tu es parti exécuter. Et on t'a dit si tu n'exécutes pas, tu ne donnes pas ton père, toi-même on te mange. Et tu as donné ton père. À quoi ça sert? Tu es plus malheureux que les chrétiens. Tu n'as qu'intérêt à courir. Cours vers le Seigneur. Ce soir ne rentre pas si tu n'es pas sauvé. Et puis l'ennemi t'intimide. Il te dit si tu te convertis, on va te tuer. Laisse-moi te rassurer. Il ne te tuera pas. Parce que Dieu dit, je suis l'Éternel. Je suis venu offrir la grâce. Et ce soir la grâce est là. Massivement la grâce est dans cette salle. Si tu crois ça, tu dis Amen. Je sens une grâce massive à ces lieux. Je ne sais pas si tu le sens comme moi. Il y a une grâce massive. Cette grâce va engendrer des choses. Dieu dit aux disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est découragé. Il dit, allez poser la question au maître. Dis-lui si c'est vraiment lui le Jésus que nous attendons. Et Jésus lui fait dire, allez dire à Jean-Baptiste, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée. Ça suffit, allez lui dire ça. Ce soir, que les sourds attendent, que les boiteux marchent, que les aveugles voient, que les morts ressuscitent, parce que Dieu a apporté la masse de grâce. Reçois ta part déjà. Saisis la grâce de Dieu. Saisis la grâce. Alléluia. Maintenant écoutez, il y a une part de responsabilité. Dieu a dit à Moïse, je suis venu vous délivrer, mais toi Moïse, va et délivre le peuple. Amen. Écoutez ce que Dieu parle à son peuple. Nous étions au verset 2. Dieu parla encore à Moïse et dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme les dieux. Si tout sommes un ami, lisons avec moi. On peut lire ensemble, non? Tu sommes pas moi, allons-y, verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme les dieux tout-puissants. Mais je n'ai pas été connu de sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi, allons-y. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays des Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. Bien-aimé, tu as gémi autant de fois. Et Dieu dit, je me suis souvenu de mon alliance avec eux. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, il y a déjà une alliance avec toi. Quand le sceptre de la méchanceté continue à perdurer sur toi, et que tu cries devant Dieu, Dieu se souviendra de son alliance en Jésus-Christ. Et il viendra pour dire, je me souviens de mon alliance. J'avais promis que je vous sauve. Je vous disais tout à l'heure, Dieu n'est pas content, Dieu n'est pas fier de te voir gémir. Qu'est-ce que Dieu gagne quand il gémit? Lorsque tu vois les enfants dédicacés ici et que tu n'as pas encore d'enfants, dans le cœur, tu as un sentiment partagé. Ni furahi, ni lié. Je dois me réjouir ou je dois pleurer? Et tu penses que Dieu sent quoi? Mais il a apporté sa grâce ce soir. Alléluia. Amen. Et puis, c'est une grâce insondable. C'est-à-dire, ce ne sont pas les gens de grâce calculés. Que toi, tu as calculé que bon, que je vais venir. Un peu comme c'est lépreux qui est allé voir le prophète. Il arrive et on lui dit, Élisée dit, faites-lui dire, il n'a pas besoin de venir dans la maison. Qu'il aille se laver là, dans la rivière. Vous rappelez ce que cet homme dit? Il dit, moi je me disais, quand je vais arriver, je suis quand même un général. Il va m'accueillir. Et puis, il va prier pour moi. Il va toucher mes doigts qui sont déjà partis. Il va ramener les oreilles qui ne sont plus là. Quelquefois, quand nous allons devant Dieu, nous avons l'impression que Dieu va faire comme nous attendons. Nous avons déjà fait un format de grâce qu'il va nous donner. Nous sommes dans les grâces insondables. Et l'intérêt, c'est que dans les grâces insondables, il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Tu veux que Dieu fasse simplement ou seulement ce que tu demandes et tu penses? Ça, ce sont des grâces calculées. Mais dans les grâces insondables, Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous pensons et que nous demandons. À lui la gloire au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On continue notre lecture rapidement. Verset 4. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage. Verset 5. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, deux points. On peut lire. Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Tu peux souligner cette phrase? Tu peux souligner ça? Est-ce que tu peux souligner ça? Je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous ferai rentrer dans le pays que j'ai juré à donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Alléluia. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Regardez la réaction de certains ici dans cette salle. Vous voyez ça? Verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Nous sommes déjà habitués à la servitude. Et puis cette servitude-là, ce n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier. C'est depuis les générations. C'est ce que tu parles aussi dans cette salle. Tu es en train de dire à ton cœur, pasteur, tu ne connais pas mon problème. Moi, même les tatés, ils ont vécu ce que je vis. Ce sont des générations précédentes. J'ai juste hérité. Et les générations passées n'ont pas pu s'en sortir. J'ai même des preuves. Ma grande sœur a vécu ça. Mon grand frère a vécu ça. Laisse-moi te dire que si le grand frère vient de vivre ça, la grande sœur vient de vivre ça, ça s'arrête là. Par ce programme de grâce et sondage, la lignée de méchanceté, la lignée de servitude s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je le dis en tant que serviteur de Dieu. Dure servitude. Et Dieu dit, je suis l'Éternel. C'est moi qui le dis. Bwana sifiwe. Amen. À cause de l'angoisse, Dieu dit à Moïse, va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse répondit à présent de l'Éternel, voici les enfants d'Israël, ne m'ont pas écouté. Est-ce que je peux m'arrêter par là? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'avez écouté? Est-ce que vous croyez à ce que nous sommes en train d'enseigner? Qui croit à ça? Si vous n'y croyez pas, on ferme la Bible, on rentre à la maison. Moïse dit à Dieu, tu vois, je leur ai expliqué. Ils ne m'ont pas cru. Ils ne m'ont pas écouté. Je vais rentrer à Madian. Moïse n'a pas dit ça, évidemment. Moussa a kusema hivyo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ils ne m'ont pas écouté. Hawa kunisikiliza. Et puis, je n'ai pas la parole facile. Na kisha sisema ke kwa uraisi. Hallelujah. Amen. Je vais dire ceci. Nitasema hivi. Retiens, mon frère. Shika ndugu yangu. J'ai dit au départ nilisema kwa mwanzo que les influences sournoises viennent sur nos décisions, nos attitudes et nos avis. Quand tu as commencé de combattre pour accéder à ta libération totale, l'ennemi te poursuit. Il te dit même, écoute, je sais que tu vas être délivré, mais ne va pas si vite. D'accord, tout. Si tu bâtis était là, kidogo. Restons encore ensemble un peu. Et ça, c'est sournois. C'est comme ça, vous voyez certaines personnes. Ils ont commencé ce programme. Et puis, ils ont relâché. L'ennemi leur dit, écoute, les gens cherchent Dieu toujours. Mais ce n'est pas aujourd'hui. On a toujours cherché Dieu. Il ne faut pas te faire souffrir comme ça. Tu vas si vite. Là, tu vas vite. Tu peux doser vitesse. Influence sur ton attitude, sur tes avis, sur ta décision d'acquérir ta victoire. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Est-il prêt de faire comme cette femme qui avait la perte de sang? Quelqu'un est-il prêt de faire comme Bartimée On lui dit Batimé. Wanamwambia Batimayo. Acha fujo. Tais-toi. Et Bartimée s'est mis à crier plus fort encore. Akalalamika tena sana zaidi. Dieu était en train de montrer Mungu alikuwa anaonyesha dans ce programme ndani ya mkutano huu que l'église nous était en train de monter sur une montagne. Ya kwamba kanisa tulikuwa tunapanda kwenye mlima. Et il y avait des richesses au sommet. Na kulikuwa utajiri juu. Mais pendant que tout le monde montait, lakini ni wakati kila mtu arrivait quelque part, un géant méchant est apparu. Kulikuwa kitu ya mtu mwovu ambaye alikuwa. Et il a commencé à empêcher les gens à monter. Na kaza kuwazuiza watu kupanda. Il a empêché les gens à monter. Akawazuiza watu kupanda. Et à un moment, na kwa wakati moja, Dieu a envoyé un vent violent Mungu akatuma upepo mkali qui a ravagé le géant. Ambao ulimuangamiza. Malheureusement, na bahati mbaya, ceux qui montaient waliokuwa sans détermination bila kuwa ont été balayés avec le géant. Nao wakafagiliwa pamoja na ule jitu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut arriver au sommet? Kuna mtu ambaye anahitaji afike pour revenir avec les butins, ili arudi pamoja avec les richesses, nyara, arudi pamoja na vous utetini. Savez quand Dieu parle, Mungu anapoongea, il parle vraiment. Anaongea kabisa. Quand Dieu dit, Mungu anaposema, ce qu'il dit, il sait ce qu'il dit. Anayosema, anajua anasema nini. Tes ressources, Rati ta solution, ton salut, suluhisho lako, ta santé, yako, afya yako, ta prospérité, mafanikio yako, ton ministère puissant utuma yako yenye nguvu, est au sommet. Iko juu. Tu n'as qu'à monter les escaliers. Upande juu ya ngazi. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Quelqu'un dit avec moi, je monterai. Kuna mtu anasema pamoja nami nitapanda. Dieu dit à David, Mungu anamwambia Musa, tu poursuivras, utafuatilia, tu atteindras les sommets et tu délivreras tes richesses. Na utakomboa utajiri wako. Alléluia. Amen. Tu poursuivras, utafuatilia, dis avec moi, sema pamoja nami, je poursuivrai, nitafuatilia, j'atteindrai, nitafikia, et je délivrerai. Na nitafungua. Dis-le avec plus de vigueur, sema pamoja je poursuivrai, nitafuatilia, j'atteindrai, nitafikia, et je délivrerai. Alléluia. Amen. Alors parmi sasa miongoni, les emprises méchantes ouvertes mwa kutawaliwa ya et manifestes, nous avons parlé hier de la maladie. Tulizungumzia jana ugonjwa. Et nous avons vu l'exemple mfano de cette femme courbée pendant 18 ans. J'aimerais te rappeler qu'importe les dates qu'on fait la méchanceté dans ta vie. Notre maman témoignait ici. Ses parents lui disaient, ton problème d'estomac a commencé, tu avais environ 6 ans. Elle dit, j'ai 63 ans. Et elle est guérie. J'ai aimé ce qu'elle a dit. Elle a dit, toi, estomac, alisema, wow, estomac, je t'amène à la croix. Nitakupeleka à Utabakia. Tu ne vas pas rester. Tu naenda. Nous partons. Tu taenda. Nous allons partir. Elle est venue avec l'estomac. Na kakuja na yo estomac. Et a mené ça à la croix. Arrivée à l'église, elle est venue à l'hôtel. Atafika kwenye madhabahu. Et quand elle s'est mise à genoux, na alipopiga magoti, cet esprit-là, l'esprit a compris que je suis déjà à la croix. Et elle a fait quoi l'esprit? Elle est partie. Écoutez-moi bien. Dieu Mungu n'agit pas toujours à bousculer les gens. Certains, leur foi ne se développe pas parce qu'ils s'attendent encore que l'esprit les bouscule. Laisse-moi t'annoncer que Dieu va te guérir même calmement. Dieu va t'exaucer même calmement. Tu n'as pas besoin de tomber. Et si tu tombes, c'est bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu tombes, ça va. Mais si tu ne tombes pas, ça va. Tu attrapes ta guérison. Attrape ta solution et rentre avec. Le diable va te dire, oui, Mungu hayakutendea. Toi, tu n'as pas joué. Tu n'as pas encore rien senti. Et puis, il détourne ton attention de celui qui guérit. Il met ton attention sur la sensation. Et la sensation ne va pas enlever ta maladie. Nous pouvons sentir ou nous pouvons ne pas sentir. Dieu reste le même, le Tout-Puissant. J'aime la manière dont Dieu parle à Moïse. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est moi, je suis l'Éternel. Est-ce qu'il est à côté de toi là où tu t'es assis aussi? Tu sens qu'il est à côté de toi? Il est là. Il attend quelque chose de toi. Car la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il paye ceux qui le cherchent. Il est à côté de toi, il attend ta foi comme une petite main qui va prendre. Si vous posez la question à notre maman, ça c'est estomac moyen ou l'imobéba et kumufikisha apa. Tu l'as porté comment pour le faire arriver ici? Tu le tenais avec quelle main? Ou l'imukokota chini ou l'imufanya aje? Alléluia. Amen. Alikuwa amuleta na imani. Il a mené, elle a mené, ouais, elle estomac, a mené avec la foi. Na estomac a obéir. Et l'estomac a obéi. Il a reçu le nom. Au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Laissez-moi vous dire, vous ne comprenez pas votre valeur. Tu ne sais pas ce que tu es. Jésus a dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et ça va s'appliquer. Maintenant, comment ça se passe? Est-ce que je vais à la montagne, je commence à la soulever, à la bousculer? Comment ça fonctionne? Je parle. Il a dit, tu diras à la montagne. Est-ce que quelqu'un a une bouche? Ceux qui ont les bouches, levez les mains. Ah, il y a beaucoup de bouches là. La vie et la mort est au pouvoir de la bouche. Tu diras à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et cela sera appliqué. Elle a dit à la maladie là, twende ku kanisa. Partons à l'église. Nous allons partir. Et la maladie a obéi. Na tu dois dire à ton cancer. Yako. Ça, ça y vit. Maintenant, je vais t'amener à la croix. A et tu ne vas pas y rentrer. A tu ne vas pas rentrer. Même si c'est au niveau terminal. Même si tu n'es pas, si la personne n'est pas dans ces lieux. Si tu as la foi, comme notre sœur a prié pour sa fille à la maison, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour attendre. Sa main est transversale. Sa main passe dans les murs, dans les montagnes. Sa main franchit les vallées. Sa main entre même sous la terre et la traverse. Il est Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Je t'aime, Seigneur. Tu es si merveilleux pour moi. Oh, alléluia. Quelqu'un aime le Seigneur? Tu veux acclamer ce Dieu? Il est beau. Il nous a donné de la valeur. C'est pour cela. Je vous ai dit, dans le séminaire passé, Dieu nous a enseigné ceci, que nous sommes des dispensateurs. De quoi? Des mystères de Dieu. Des transporteurs. Des mystères de Dieu. Maintenant, le diable a mis la main sur nous. Bon gré, mal gré, je veux dire, à raison ou sans raison, quand le diable met la main sur toi, c'est à raison ou sans raison, Pour certains d'entre nous, on a une explication de ce mal que nous vivons. On dit, en fait, quand ce mal avait commencé, j'étais dans le péché, comme on ne peut pas le nommer. Et puis, le mal a commencé. Mais pour d'autres, tu es dans un mal, tu n'as rien fait. C'est-à-dire, le diable est en train de te torturer sans raison. Mais à raison ou sans raison, comme tu as décidé d'aller à la croix, tu as décidé d'aller dans les grâces de son âme, tu sortiras libéré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais citer rapidement quelques autres emprises ouvertes et manifestes, et puis nous allons prier. Demain, nous allons prendre le temps dans la prière. Vous savez, demain, c'est samedi. On va commencer tôt à 14h. C'était un rendez-vous grave. Frère, ne ratez pas ça. Il ne faut pas rater ça. Ayombe kukosa. On aura le temps pour adorer. Tutakuwa na wakati wa kuabudu. Chorale, préparez-vous. Kwaya mujitayarishe. On va prier. Tutaomba. On va faire la guerre. Tutafanya vita. Et le diable va fléchir. Na shetani atapiga magoti. Je vous préviens. Il va fléchir. Dites à ton voisin, il va fléchir. Dis-lui avec assurance, il va fléchir. Maintenant, lève la tête et dis au diable, Satan, tu vas fléchir. Dis-le avec colère, Satan, tu vas fléchir. Dis-le avec plus d'assurance, tu vas fléchir. Tu ne sais pas qui je suis. Un homme avec Dieu est la majorité. Alléluia. Amen. La deuxième Yapili, emprise Ugandamizo ya que l'ennemi ya adui, porte sur les enfants de Dieu, sur les justes, juu ya watoto wa Mungu, la pauvreté et le manque. Inakuwa ni ukosefu na umaskini. Alléluia. Amen. La pauvreté. Umaskini. Cette affaire qu'on appelle pauvreté est ignoble et minable, méchant même. Vous savez, lorsqu'on manque de tout, on peut bien se contenter. Mais à la longue, lakini kwa mwisho, on finit par pleurer. Unamalizia tu unalia. Je vous ai parlé des quatre phases de la vie. Niliwazungumzia juu ya hatua ine ya maisha. La phase d'irresponsabilité. Nilikuwa nazungumzia juu ya la phase d'ambition. Juu ya kutokuwa na la phase de réalisation. Kukuwa na shabaha, kutimiza shabaha. Et puis la phase des fleurs. Na kisha hatua ya maua. Je crois que c'était en 2017. Ilikuwa kwa mwaka 2014. Makumi na ine. Quand on atteint la phase de réalisation, wakati unafikia hatua ya kutimiza, et que on n'a pas réalisé, na kwamba hukutimiza chochote, approximativement, je vous avais donné un schéma, 0 à 14 ans, kuanzia mwaka mmoja hadi 14, 14 à 25 ans, 14 hadi 25, 25 à 45 ans, 25 hadi 45, et 45 à 60, 45 hadi makumi sita, phase des fleurs. Inakuwa ni hatua ya ma. Mais observez, lakini mchunguze, lorsque tu atteins 45 ans, wakati unafikia miaka 45, tu as déjà 5 enfants, tu as déjà, unakuwa, mais la vie n'a pas tourné. Lakini maisha kabisa haikuendeka vizuri. Voici ce qui se passe. Tazama ile inayopitikana. Tu subis une pression sociale, une pression morale sur ton cœur. Tu veux faire vite. Tu te rends compte que la descente a commencé. Les histoires des reins, des diabètes, les dents, ça commence. Tu n'as plus l'énergie pour affronter la vie. ce qui arrive, c'est que tu veux réussir tout de suite et maintenant. Là où les uns faisaient 5 ans pour atteindre un but, toi tu veux atteindre le but dans 3 mois. Et on commet des erreurs. Et on s'engage dans des choses qui sont compliquées. Et c'est là que beaucoup de gens, Psaume 125, verset 3b, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Beaucoup de gens sont drainés carrément vers l'iniquité. Parce que le diable propose que pour moi ce n'est pas difficile. Tu fais 1, 2, 3 et tu es riche. Certains, même dans le ministère, ça n'a pas marché pour une raison ou une autre. Et quand on atteint un certain âge, la tentation est là. Et puis les amis qui ont mal réussi viennent vers toi. Ils te disent, je te sais à Nini. Nous connaissons les secrets. Viens, on va t'expliquer, on va te montrer. Et puis ils t'entraînent dans l'occultisme. Et tu deviens pasteur occulte. La pauvreté est mauvaise. Je parle à quelqu'un. Le sceptre de la pauvreté est mauvais. Il faut combattre ce sceptre-là quand nous sommes encore jeunes. Mais gloire soit rendue à Dieu. Car même à dernière minute, il peut te racheter. Il est écrit, et je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Si les sauterelles ont dévoré tes 45 ans, le Dieu des cieux, à partir de ce soir, va te restituer ces années qui ont été dévorées. Tu n'as qu'à monter avec sérieux détermination et le Dieu des cieux te fera du bien. Alléluia. Il est écrit dans 2 Corinthiens 8, 6, 8, 9, il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Dis ça avec moi. Il s'est fait pauvre afin de nous enrichir. La troisième emprise, c'est la possession démoniaque. La vie de l'homme, de manière manifeste, est sous le coup des démons. Quand vous regardez dans Marc chapitre 5, versets 1 à 20, vous trouvez l'histoire du fou de Gadara, qu'on appelle les Gadaréniens. Il était sous le coup des démons, de telle manière qu'il s'est taillé avec les pierres. Il s'est blessé. Il vivait dans les tombes. Il dormait dans les cimetières. Jusqu'au jour où l'homme de Galilée a apparu dans cet endroit. Et les démons qui étaient en lui ont amené l'homme vers Jésus. Aïe! Bwana sifiwe. Amen. Les démons ont amené l'homme à Jésus. Mapepo wakaleta ule mtu kwa Yesu. Il était dans les tombes, dans les cimetières. Alikuwa ndani ya makaburi. Et quand les démons ont senti l'apparition de Jésus dans les parages, ils ont commencé à trembler. Et ils se sont dit, allons négocier. Twende tuone kama tutaongea. Et ils ont drainé les messieurs vers Jésus. Ils veulent frapper. Et mais ils disent, Maître, ne nous jette pas dans les derniers lieux. Mais vous venez de commettre une erreur. Il fallait plutôt fuir et partir. Ils se sont rendus compte que même si nous fuyons, il est omniprésent. Il va nous attraper toujours. Ils ont amené les malades devant Jésus. Et ils ont négocié. Ils ont dit, jette-nous ne fût-ce que dans ces pourceaux-là. Comment vous savez que je suis venu vous jeter quelque part? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Ils savent que comme Jésus vient d'arriver, il va nous jeter quelque part. Je dis à quelqu'un ce soir, l'ennemi qui a le sceptre sur toi sait qu'il est malheureux parce que tu es venu dans ces rencontres ici. Il sait que Jésus va le jeter quelque part. Il va le jeter. Et Jésus leur dit, allez sortez. Et ils partirent dans les pourceaux. 2000 pourceaux. Commerce kakouf. Bwana sifiwe. Amen. Vous savez comment la grâce fonctionne. La grâce crée des circonstances pour vous amener à la délivrance. Regardez cette femme qu'on appelle Sino-Phénicienne. Elle crie derrière Paul et Barnabas. Paul et Silas, je crois. Paul, ils sont en train de prêcher la parole. Et cette dame, elle est possédée par l'esprit de Python. Esprit de Python. Et puis elle se permet d'être prophète de Paul. Quand Paul marchait dans la cité, elle venait avec Paul. Elle prêchait avec Paul. Écoutez ces hommes ici. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils sont venus vous annoncer le salut. Pepo, inahubiri. Ni nini hii? Le mystère de la grâce pour cette fille ici. Elle était engagée par le prince de cette ville, de cette région, pour produire l'argent à leur réseau. Quand vous lisez la suite, vous allez trouver ça. Et puis Paul a suivi ça pendant longtemps, et puis ça l'a exacerbé. À un moment, Paul s'est retourné et dit, ah, allez, dit, toka, toka. Et l'esprit est sorti, la fille, tu vas être délivré aujourd'hui. C'est pourquoi faites attention. Tous les esprits qui prophétisent. J'ai dit les esprits. Tous les esprits qui prophétisent ne sont pas nécessairement de Dieu. Même quand ces esprits disent la vérité. Cette fille disait la vérité. Est-ce que Paul était serviteur de Dieu? Oui. Est-ce qu'il annonçait la bonne nouvelle du salut? Oui. Est-ce qu'à cause du fait que c'est vrai, cette fille prophétise avec le Saint-Esprit? Non. C'est pourquoi la Bible dit éprouvez les esprits. Ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez-les. Et choisissez ce qui est bon. J'aimerais conseiller à quelqu'un, si tu as le don des prophéties, ou si tu reçois des messages, quand tu les donnes au destinataire, ne les donne pas comme si c'était must. On n'a pas choisi tika, njo vile. Abana. Non. Abana. Non. Et la fille, voici qu'elle est délivrée. J'aimerais dire, quel que soit le degré de ta possession, quand tu rencontres Jésus, Pima tout, Pima tout. Essaye tellement. Et la grâce va t'entraîner dans les rayons de Jésus pour que tu sois délivré. Et ceci, c'est ton cas. Tu peux déjà te réjouir. Parce que Dieu, sa grâce, t'a entraîné dans ce programme. Alléluia. Amen. Troisième emprise. L'enrôlement au service du diable. Cette fille, dans Actes chapitre 16, verset 16 et suivant, elle était enrôlée dans le service du diable. Un peu comme les commères des sorciers, féticheurs, ordre mystique. Vous êtes enrôlé. Elle était enrôlée au service du diable. Toutes ces choses qu'on appelle pacte, etc. Bon. Ok, c'est bon, c'est vrai. Mais quand tu rencontres la grâce, tu es délivré. Ongoloué. Ongoloué. La quatrième ou cinquième. Yaine, yatano. Le crime. L'emprise du crime. Inakuwa ni kutawaliwa. Beaucoup de gens watu wengi sont des criminels. Wanakuwa mabandia. Et le diable a mis le sceptre de la méchanceté sur eux pour les transformer en criminels. Ili awageuze kuwa mabandia. Ils font le mal, ils commettent des crimes avec joie. Pamoja na furaha. Avec joie, ils égorgent les gens avec joie. Ils n'ont même pas de tristesse. Quand ils voient le sang d'un innocent couler, le sceptre de la méchanceté. J'aimerais lui dire, celui qui est criminel, peut-être il m'écoute sur un réseau. Et les démons qui te font faire ça sont aussi sous le coup de Satan. Et toi-même, tu es sous le coup de Satan. Tu n'as qu'à quitter. Parce qu'après, il n'y a pas de récompense. Et puis après, pas de récompense, mais plutôt jugement. Kuna hukumu ya Mungu. Tu vas aller en affaire. Utenda ndani ya moto. Et tout ce que tu as eu comme succès dans le crime na yote ambao ulikuwa nayo kama kufaulu ndani ya ne t'accompagneront nulle part. Haita kusindikiza. Et personne ne récompensera tes succès en crime. Na kuna mbaya ataweza kulipa ile kufaulu kwako. Tu as peut-être construit des maisons. Tu as peut-être réalisé des trucs sur la terre. Et puis après, tu vas mourir aussi. En fait, tu es mortel aussi. Et puis après, tu vas en affaire. Il y aura des pleurs et des graissements des dents. Mais quand tu fais ça, tu maudis ta progéniture. Tes descendants sont maudits. Avec le sang des innocents qui crient sur toi et qui crient sur ta progéniture. Tu ferais mieux de courir chez Jésus. Le fou de Gadara a couru vers Jésus. Et Jésus n'a pas dit, tu as trop de démons, toc à parler. Non, non, non. Quel que soit le degré des démons, de la criminalité qui siège sur toi, tu peux sortir aussi. La grâce est disponible. Amen. Amen. La septième emprise, ou que je peux appeler conséquence, Psaume 125, verset 3. Il y a des gens qui tendent la main vers l'iniquité comme ça, far à far. Zaburi 125 mstari wa 3. Kuna watu ambao wananyosha mkono wao kwa maovu wakiyaona. Vous pouvez observer une personne. Unaweza kumchunguza. Vous constatez que cet homme est en train d'aller chez est en train d'aller dans le mal. Et c'est ouvert et manifeste. Mais de tous ces cas-là, il y a la possibilité de sortir. Alléluia. Amen. Dans Exode que nous avons lu, Dieu dit, au verset 6, Exode 6:6. Levons-nous au lit ça ensemble et puis nous commençons à prier. Levons-nous s'il vous plaît. Ne restez pas assis par influence de cette personne-là. Que cet être-là ne t'influence pas pour rester assis. On peut y aller, verset 6. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël deux points. Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus et par des grands chichements. On peut les redire ensemble. Fais en sorte que ça reste dans ta conscience. Allons-y. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Et par des grands jugements. J'appelle ça les jugements de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit entre en jeu pour libérer les jugements de Dieu, que quelqu'un ose seulement. Et c'est le temps. Nani muda huu. Alléluia. Hey, amen. Écoutez un peu ceci. Nous voulons prier. J'aimerais que tu pries avec conscience, persévérance, détermination, jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu demandes. Et qu'est-ce que nous demandons? Nous voulons sortir de l'emprise de la pauvreté. Le sceptre de la pauvreté. Le sceptre des démons. Le sceptre de la possession démoniaque. Le sceptre de la méchanceté. De l'enrôlement dans les réseaux occultes. Le sceptre de la maladie. Tous ces sceptres-là et tant d'autres, ça c'est juste un échantillon. Nous voulons sortir de tous ces sceptres-là. Maintenant, nous voulons prendre 10 minutes. Chacun va d'abord. Chacun va s'en charger. Tu vas prendre la charge. Parce que tu connais en fait ton cas. Paul dit, je donne des coups de poing, non comme battant l'air. C'est-à-dire, je suis précis. Sois précis. De tout ce qu'on a appris, tu as déjà localisé quelle est l'emprise qui est sur toi. Tu t'élèves et tu t'assures que cette emprise est soldée. Cette emprise est soldée. Cette emprise perd sa force sur toi. Tu te rends compte que tu es dégagé. Si c'est une maladie, même là où tu te trouves, rassure-toi que la maladie est finie. Dieu est au rendez-vous pour tous ces cas-là. Nous n'allons pas tous réussir à venir prier à la chair ici ou à l'autel. Mais la présence de Dieu est partout là-bas où vous êtes. Nous allons invoquer le Seigneur. Les jugements de Dieu. Commence à prier. Anza kuomba. Assure-toi que tu es précis. Hakikisha kwamba unajua ile ambayo uko naombea. Tu es précis. Unajua ile ambayo uko naombea. Commence à prier. Anza kuomba. Tu es précis. Unajua ile ambayo uko naombea. De quoi il s'agit? Ni nini? Tu connais mieux que moi. Unaijua vizuri kuliko mimi. Le Saint-Esprit connaît aussi. Na Roho Mtakatifu naye anajua. Dieu a dit à Moïse. Mungu akamwambia Musa. Je suis venu pour tes souffrances là. Nimekuja kwa ajili ya mateso yako. Je connais tes souffrances. Najua mateso yako. Je vois tes cris. Naona. Je vois tes gémissements. Naona kilio chako. Je suis venu pour ça. Na nimekuja kwa ajili ya hiyo. Prie le Seigneur. Omba Bwana. Commence à parler. Anza kusema. Commence à parler. Anza kuomba. Commence à parler. Anza kuomba. Parle à Dieu d'abord. Umwambie kwanza Mungu. Parle à Dieu d'abord. Umwambie kwanza Mungu. Akaraba shatarabasiketa. Takata bakarobe shitira. Karaba shantarabase yalaka. Isaka takaraba sentole kira. Lisa bayanga rakeshete. Oya basanta rakaliza. Kera basanta ya ketia. Lobo shete ke loguri ya bakanta ya lazea. Riba janka rodi ya lakori ya saka. Kwa china la Yesu Kristo aliha. Satan, tes affaires sont soldées ce soir. Tes affaires sont soldées ce soir. Tes affaires sont soldées ce soir. Ton aventure est arrêtée ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a gonérési la corabazaya. Il te catechélise kobe ya la shinka. Au nom de Jésus de Nazareth. Et na kereba chakare mazente recolisa. Et na kereboche kerebazaya. Liso reba karabashente. Quelqu'un prie le Seigneur. Quelqu'un prie. Quelqu'un prie. Quelque prie le Seigneur. Lile bole lobeshi la kolaka. Lisa le logi à la kanda. Lisanda la gaïe. Le kere boshiata. Locateria gedagina. Ilokeria bosika. Qua china la Yesu Christo. Qua china la Yesu Christo. Qua china la Yesu Christo aliha. Qua china la Yesu. Qua china la Yesu aliha. Qua china la Yesu aliha. Qua china la Yesu Christo. Kwa china la Yesu, kwa china la Yesu Kristo. Est-ce que tu as commencé à prier? Est-ce que tu as commencé à prier? Est-ce que tu as commencé à prier? Les anciens d'Israël n'ont pas cru à Moïse. Ils n'ont pas cru à Moïse. Mais malgré leur incrédulité, Moïse a pris courage. Moïse a pris courage. Ramakaya Gadabouche. Lise Kabayalala. Loke Reboshanka. Prends courage, lève-toi, il t'appelle, Jésus-Christ t'appelle, et il dit à Bartimée, prends courage, lève-toi, il t'appelle, Jésus t'appelle, pour te sortir des tombes, pour te sortir des cimetières, pour te sortir, Jésus t'appelle, et les démons savent que Jésus t'appelle, les démons savent, ils savent que Jésus est venu pour te libérer, ils n'ont qu'à se soumettre. Ils n'ont qu'à se soumettre et à te laisser par des grands jugements. Quelqu'un est sérieux. Quelqu'un est sérieux ce soir. Ta libération dépendra du sérieux avec lequel tu te dégages dégagé du sceptre de la méchanceté. Dégagé du sceptre de la méchanceté. Dégagé ce soir. I command you out. Je te commande de le lâcher. Je te commande de le lâcher. Je te commande de le lâcher. Par les jugements de Dieu. Je te commande de le lâcher. Je te commande de lâcher cette famille. Je te commande de lâcher cette jeune fille. Je te commande de lâcher ce fils. Je te commande de lâcher ce corps. Je te commande de lâcher cette destinée. Au nom de Jésus. Je te commande de lâcher cet enfant. Je te commande de lâcher ce... Lâche cet enfant. Lâche ce jeune homme. Au nom de Jésus. Lâche l'avenir de cet enfant. La bandarologie, les créacates du roi Siamakete, les carabayoune, rakaleba, rakayebe chandalouri abakata, iagada gada gada, l'okari asaya, l'ikarabashaya. Esprit impur, lâche! Esprit impur, dégage! Bas le feu! I cast you out. In the name of Jesus, I cast you out. In the name of Jesus. In the name of Jesus, mighty God, mighty Savior, tu es venu pour sauver. Keke rabagadabusha, keke rabajuge. Te carabajote, ta kayabakoria basanta, ta kakarabos, echi kalababos, echi kalababos, echi kalababos, echi kalababos, eta da gayu kolasaka, da da golebosa koria, da goche tababaya, le kerube yabusa, maleta de rialaka. Rico paracha carabasa, idem de riborabasha, esprit de célibat, out! Esprit de maladie, out! Quelqu'un en train de prier Dieu. La ma chata. Kata kata kata kaya basa. Écoutez, nous voulons prier à l'unisson. Déjà, Dieu est en train de te libérer. Il y a des chaînes qui viennent de tomber. Les chaînes viennent de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Quelqu'un acclame le Seigneur. En ce temps, prends ta Bible. Prends ta Bible, nous continuons à prier. Prends ta Bible. J'aimerais que tu lis ça dans ta Bible. Jean chapitre 14, verset 12 à 14. Écoutez, frères et sœurs, quand Jésus veut nous dégager, accepte la méchanceté, il veut nous mettre dans son armée. Pour que, en tant que soldats du roi des rois, nous puissions finaliser certaines choses dans notre propre famille, certains ennemis qui se sont cachés sous les lits. On va les finaliser, mais au-delà de chez nous, nous pourrons aller même pour libérer les autres. Écoutez ce que Dieu dit. Parole de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Lisons avec force, avec conviction. 1, 2, 3. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera des plus grands, parce que je m'en vais au Père, point virgule, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Acclame le Seigneur. Nous voulons prier à l'unisson. Écoutez, prends la conscience que là où tu te trouves, tu es pour toi. Tu es là pour toi, mais aussi pour les autres. Nous voulons faire une prière d'unisson. C'est une prière puissante. Si on avait la liberté, on se tiendrait la main. Mais la connexion est là. Nous sommes une famille. Alléluia. Même ceux qui sont derrière, je vois plusieurs sont assis, levez-vous s'il vous plaît. Je vous vois assis. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Levons nos mains ensemble. Lève ta main avec moi. Nous voulons faire une série de prières. Quand tu le fais, rappelle-toi que Jésus nous a dit que nous allons faire comme lui fait et que nous ferons même plus que lui. Or, qu'est-ce que lui a fait? Il a libéré le fou de Gadara. Il a libéré Bartimée. Il a libéré Israël de l'Égypte par sa main puissante. Et il a dit par des grands jugements. Lève bien la main. Prie avec moi. Seigneur mon Dieu, Seigneur notre Dieu, je me joins à mon frère et à ma sœur ce soir en unisson des prières, pour venir devant mes ennemis, venir devant nos ennemis. Ce soir, tu nous as dit que nous ferons les choses que tu as faites et nous en ferons des plus grandes. Mais maintenant, voici que j'ai été sous le sceptre de la méchanceté, de la maladie. Au nom de Jésus, toi maladie, je t'amène devant le trône de Dieu, devant le trône de Dieu, le trône du jugement. Et j'appelle les jugements de Dieu contre toi pour te déchiqueter, pour te détruire. Je te détruis. Cancer, je te détruis. Diabète, je te détruis. Hypertension, je te détruis. Myome, je te détruis. Stérilité, je te détruis. Maladie, quel que soit ton nom, je te détruis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors fais comme Jésus, fais comme Jésus, fais comme Jésus, et vous ferez comme moi. Fais comme Jésus, je te détruis, je te déchiquette, je te déchiquette. Myome, je te dissous. Myome, je te dissous. Cancer de sein, je te dissous. Je te dissous. Cancer de sein, je te dissous. Cancer de col, je te dissous. Cancer de prostate, je te dissous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cancer du sang, je te dissous. Je te maudis, je te maudis. Au nom de Jésus, je te racle, je te bade, je te supprime dans le corps de ses bien-aimés. Je te fasse, je te radique dans le corps. Quelqu'un prie. Maladie de colonne lombaire, je t'arrête au nom de Jésus. Arrête-toi. sortes et je te chasse. Je te chasse de sa vie. Je te déloge. Je te déloge. Je te déloge. Tu es délogé. Tu es délogé. Tu es délogé. Nous avons prié à l'unisson. Ça dit que même si tu n'étais pas malade, tu as prié pour quelqu'un. Mais pour ceux qui sont malades, ou tu as quelqu'un qui est malade à la maison, tu vas mettre ta main sur ta poitrine, je vais prier avec toi. Si tu n'es pas malade, tu lèves les mains devant le trône pour télécharger la guérison. Recueille-toi pour recevoir. Dieu des cieux, restez calme. Dieu des cieux, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus qui a payé à Golgotha, ce soir, je viens en tant que ton serviteur. Tu m'as mandaté pour paître tes troupeaux, tes agneaux, tes brebis. Ce soir, l'ennemi a placé son sceptre de la maladie sur leur vie, leur santé. Dans le nom de Jésus, maladie, quel que soit ton nom, je te brise. Je te brise. Je te brise. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Quel que soit ton degré. Par le feu. Je te brûle. Je te brûle. Je te brûle. Par le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Feu. Feu. Feu. Feu. Feu. Quel que soit ton nom. Tu es fini. Par la puissance et la croix. Par la puissance et la croix. Et Kamba Yabashakata. Esprit de maladie, tu es maudit ce soir. Tu es maudit dans ce corps. Tes racines sont détruites. Tes racines sont détruites. Tes œuvres sont ravagées. J'éradique tes racines. Je t'arrache. Je t'arrache ce corps. Je t'arrache ce corps. Je t'arrache. Je dégage cet homme. Je dégage cet homme de cette maladie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et je te déclare guéri. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois-la. Reçois-la. Reçois ta guérison. Où que tu sois, à sérieux ou à la maison, à l'hôpital, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Le mystère de Dieu t'apporte ta guérison. Là à l'hôpital, là dans ta chambre, là dans ton salon, le mystère de Dieu reçoit. Au nom de Jésus, elle ne revient plus jamais. Maladie, tu es interdit dans ce corps. Tu es interdit dans ce corps. Tu es interdit dans ce corps. Pas définitivement. Elle ne revient plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous continuons à prier. Si tu es guéri là où tu es, pendant que nous prions pour les autres choses, tu vérifies. Si tu sens que tu viens d'être guéri, tu avances ici. Mais nous levons nos mains et nous allons prier pour la deuxième menace en prise. la pauvreté. Mon frère et ma soeur, nous avons vu que par ses métissures, il nous a guéris, mais aussi il a porté notre pauvreté. Lève la main avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu t'es fait pauvre. Priez avec moi s'il te plaît. Tu t'es fait pauvre afin de m'enrichir. Tu t'es fait pauvre afin de m'enrichir. Tu as porté ma pauvreté. Ce soir, je viens contre les mécanismes de la pauvreté. Je me lève contre la mentalité de la pauvreté, contre le système de la pauvreté installé en moi, installé par le diable sur ma vie, installé par le diable dans mon système de fonctionnement, installé par le diable dans ma société. Toi, pauvreté, esprit de pauvreté, je te menace, je te menace. J'appelle le jugement de Dieu. Je te juge, tu es jugé. Prie le Seigneur, menace-les. Détruis les fondations de la pauvreté. Tu as été pauvre depuis des générations passées. Arrête, arrête l'héritage de la pauvreté. Arrête l'héritage de la pauvreté. Arrête l'héritage, héritage maléfique de pauvreté, je t'arrête. Héritage de malheur, héritage de faillite, héritage de blocage, héritage de misère, misère économique, je t'arrête aujourd'hui. Tu ne continueras pas avec moi. Tu as massacré mes aïeux, tu as massacré mes aînés. Avec moi, je trace une ligne rouge. Je trace une ligne rouge. Tu ne franchis pas ici. Tu ne franchis pas ce soir. Sur ma lignée, sur ma lignée, sur ma progéniture. Tu ne franchis pas ce cap. Tu ne franchis pas ici. C'est fini pour toi. J'ai fini pour toi. J'ai pris ton sceptre. Pauvreté out! Pauvreté va-t'en! Pauvreté dégage! Dégage! Dégage ma vie! Pauvreté dégage ma vie! Pauvreté dégage ma vie! Va-t'en! Va-t'en au nom de Jésus! Misère! Misère intérieure! Va-t'en! Misère intérieure! Va-t'en! Bassesse! Va-t'en! Influence! Va-t'en! Influence de pauvreté! Va-t'en au nom de Jésus! Continue à prier. Tu vas prendre tes deux mains. Tu les mets ensemble comme ça. Pour recevoir. Mets tes mains comme ça. Prie avec moi. Seigneur, tu as dit dans les Écritures que tu béniras le travail de mes mains. Tu as dit dans les Écritures, vous servirez l'Éternel et il bénira votre eau et votre pain. Et je détruirai la maladie. Et il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Mon Dieu, ce soir, voici mes mains. Bénis-les. Sanctifie-les. Voici mes mains. Ouvre les écluses des cieux et libère mes richesses. Libère mes richesses. Dépose dans mes mains, dans mon cœur et dans mon esprit les capacités financières, les capacités d'entreprendre, les capacités de gestion, les capacités de prospérité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je reçois mes richesses. Je reçois l'onction des richesses, l'intelligence des richesses, l'intelligence de la prospérité. Je chasse la pauvreté de mes mains. Souffle sur mes mains. Souffle sur mes mains. Commence à souffler le feu de Dieu sur tes mains. Souffle sur tes mains. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Brûle. Brûle. Les semences de la pauvreté. Consumées par le feu. Feu. Feu. Feu. Feu. Feu. Feu. Pauvreté. Va-t'en! Va-t'en! Et ne reviens plus jamais. Allez, va-t'en! Allez, va-t'en! Sors! Sors! Sors de mes mains! Sors de ma vie! Sors de mon intelligence! Sors de mes pensées! Sors de mon entreprise! Sors! Sors! Maintenant, au nom de Jésus, allez, chasse-les, chasse la pauvreté. Chasse la pauvreté. Chasse-les, chasse-les. Allez, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Va-t'en, va-t'en au nom de Jésus. J'élève le sceptre d'autorité sur chacun de ceux-ci. Au nom de Jésus-Christ, je brise la pauvreté. Je brise le pouvoir de la pauvreté. Je brise la magie de la pauvreté. Je brise la misère. Je brise les esprits de pauvreté. Je lis les esprits de pauvreté. Je lis la pauvreté. Je lis le système de la pauvreté. Au nom de Jésus, et je le chasse de leur vie. Je le chasse au nom de Jésus. J'appelle les écluses des cieux. Oh Dieu, ouvre tes écluses. Ouvre tes écluses. Ouvre tes écluses. Reçois tes richesses. Reçois tes richesses. Reçois ta prospérité. Reçois ta promotion. Reçois ta promotion. Reçois tes progrès. Reçois tes progrès. Reçois les progrès de ton entreprise. Reçois les progrès de ton initiative. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. On va continuer demain. On se retrouve à 14h. Devant nos mains, on va remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce qu'il vient de faire dans ta vie. Il vient de faire dans ta vie. Et si Dieu vient de te guérir, je sais qu'il vient de te guérir. Demain, viens, attends, tu vas témoigner. Tu viens, attends demain, tu vas témoigner. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon mystère. Le mystère caché depuis des siècles. Le mystère de mon frère et de ma soeur. Oh Dieu des mystères, continue à exercer tes mystères dans la vie de chacun de nous. Exerce tes mystères. Disons un mot pour notre nation, s'il vous plaît. Disons un mot rapidement, une minute. Dis un mot pour notre nation. Et puis on va clôturer. Merci Seigneur pour notre nation. J'élève le sceptre d'autorité au-dessus des principautés, pouvoir et autorité. Et je brise le sceptre. Je brise le sceptre de la méchanceté sur la RDC. Je brise le sceptre de la méchanceté sur le pays. Au nom puissant de Jésus-Christ. On se retrouve demain matin à 6h.